champ de détente, j'ai décidé pour la première fois de vous partager certains chants que je vais produire une fois de temps en temps dans ma vie. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que je fais ça. C'est des chants pour me détendre. C'est sûr que j'aime entendre parfois des chants amérindiens, des chants aussi qui sont produits par des moines tibétains avec des sons de voyelles, de syllabes. Et j'ai un intérêt naturel là, par rapport à ça. Et puis, je me suis mis moi-même à en produire. Et là, j'ai l'intention de vous partager cela sous la forme de cet enregistrement. Et si ça m'a été utile pour me détendre, peut-être qu'il y en a aussi parmi vous qui vont trouver ça intéressant. Bien entendu, je ne prétends pas être un spécialiste dans le domaine. Je partage tout simplement ça là, à titre amateur. Donc, j'utilise beaucoup, entre autres, le chant des voyelles, le A, le I, le O, le U et le U, enchaîné, ou le U, ou le Aum, des choses comme ça. Parce que lorsque je fais ça, ça me permet de me recentrer, être moins dans la réflexion, être plus dans le senti de la voix qui s'extériorise, donc être plus en présence. Donc, ça me permet des fois de me recentrer, de faire ça. Puis ça fait quand même plusieurs années que je l'expérimente. Alors, je débute et bonne écoute.